Question 20. Je fais des appels lumineux. Réponse A. Je peux klaxonner. Réponse B. Je freine. Réponse C. Je maintiens mon allure. Réponse D.